Bandakani, avec vous, le Mali, une complexité, mais aussi une opportunité maintenant et une solution. C'était une complexité. Parce que cette complexité était une complexité organisée Oui. dans la pure tradition de la géopolitique du chaos qui est mise en œuvre par les mondialistes à l'échelle mondiale et qui a revêtu les couleurs locales au Mali, dans ce qu'on appelle le Sahel. Donc c'était une complexité impérialiste, mais aujourd'hui elle est en train de devenir une clarté. Au fur et à mesure, les choses deviennent. Il y a une simplification de la complexité parce que, n'est-ce pas, à la suite d'une révolution populaire, l'armée patriotique a pris le pouvoir et s'est inscrite dans le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est le chassement de la France du Sahel. Il faut chasser la France et les Occidentaux du Sahel. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit, n'est-ce pas, le président Assimi Goïta. Tout à fait. Si bien tout, je vais pas prendre à mon compte ce qui a été dit par Mandeng et Fofana, Madame Fofana. Je voudrais vous parler de la mémoire Et Aboubacar Sidik Fomba. Sidik Fomba. Mandeng, il a une mémoire phénoménale. Je voudrais que vous dites ça. Ah, Dit tout à fait. moi, quand je l'écoute parler, il est une mémoire phénoménale. Il a rappelé l'histoire du Liban, à juste titre. Pour dire quoi? Moi, j'ai une lecture sur trois branches, parlons comme ça, cette situation. Ce qui se passe là, moi je ne vais pas commenter les lamentations vampiristes de la France. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Il ne faut même pas y accorder de l'importance. Ces lamentations devraient plutôt faire réfléchir profondément les francophiles du continent, les démocrates africains qui soutiennent la France et qui continuent à rêver d'un avenir, n'est-ce pas, en Afrique par le biais de Paris. C'est à eux de bien comprendre ce que signifie les lamentations vampiristes de la France Tout à fait. dans le contexte malien. Nous sommes dans une dynamique depuis 10 ans. Nous avons averti les autorités françaises, nous avons prévenu ce qui allait arriver. Aujourd'hui, pour nous, panafricanistes, nous avons deux pôles stratégiques qui vont embraser l'Afrique. Les deux pôles, de manière fondamentale, d'ailleurs, ces deux pôles qui cachent d'autres pôles à venir, c'est la Centrafrique et c'est le Mali. C'est-à-dire, depuis 10 ans, le résultat visible en termes d'avancées réelles sur le plan géopolitique et sur le plan de la stratégie panafricaniste, ce sont ces deux pôles. Mais en elles-mêmes, ces deux pôles, la masque d'autres pôles qui arrivent. Je ne dirais pas ça. Et le but, c'est de faire exploser la France en Afrique, c'est de faire exploser les Américains, l'Occident en Afrique. Les choses sont claires. Tout à fait. Mais tout à l'heure, quand il parlait de la finule, c'est ce qui va arriver aux bases étrangères en Afrique. C'est une question de temps. On ne court pas. Les bases militaires étrangères, nous avons demandé à ces bases de partir. Elles ne sont pas prises au sérieux parce que là, en Afrique, c'est quoi? Mais elles sont en train de voir où on va. Ce qui s'est passé au Liban va se passer en Afrique. Pour les bases militaires étrangères. On va les chasser de l'Afrique. On ne dit pas comment, mais on y avance. C'est bien tout dit. On y avance. Les gens pensent qu'ils ont le monopole du terrorisme étatique. Les gens pensent qu'ils ont le monopole de la violence, qu'ils sont trop forts dans le chaos. L'heure vient où ce chaos va se retourner contre eux. Et ça a commencé. Donc vraiment, excusez-moi, je ne vais pas verser, je ne vais pas commenter les lamentations de Le Drian, de tous ces gens-là. C'est vraiment, c'est-à-dire que ce n'est que le début. Donc, un, le comportement français est la preuve, s'il fallait encore, de l'actualité, je vais tout dire, de l'impérialisme globalisé en Afrique. C'est-à-dire que la contradiction principale en Afrique, ce ne sont pas les chefs d'État, ni l'absence ou pas de démocratie. Cette fumisterie qui ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a pas, dans le monde, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi veut-on qu'en Afrique, il y ait cette démocratie néocoloniale qu'on veut nous imposer? Parce qu'il n'y a aucun pays démocratique dans le monde. Il n'y en a pas. Nous le savons. Il n'y en a pas. On ne peut pas avoir de dictature au niveau global, telle qu'on voit l'ONU et dans les institutions financières internationales, pour ne parler que de celle-là, n'est-ce pas? Et maintenant, alors, comme le Covid permet de voir la réalité dans tous les pays européens et aux États-Unis, est venu démocratiser la périphérie. Vous avez vu ça. La démocratie de l'avenir qui s'annonce, c'est celle de la libération. C'est-à-dire que les pays africains se libèrent et bâtissent une vraie démocratie. Et cette démocratie va s'épanouir en démocratisant le monde. C'est-à-dire en liquidant les histoires comme l'ONU, FMI, Banque mondiale, on va démocratiser la sphère mondiale. À ce moment-là, on parlera de démocratie. Tous les fanfaronnades que les gens font de la démocratie, c'est du pouvoirisme et c'est de la bêtise. Donc je tente de dire que voilà la preuve que la France s'est mise en travers de l'avancée de l'Afrique. Tout à fait. C'est-à-dire, voilà encore une énième preuve. Qu'est-ce que la France a à voir dans les affaires du Mali? Est-ce que quand la France fait ses partenariats dans le monde, les Maliens se mêlent de ça? D'où vient-il? C'est une bonne question. Mais allons pas à pas, moi j'aime aller pas à pas. Ouais. D'où vient-il que Christophe Bigot, et un bigot, ça veut dire quelque chose dans le langage français, hein. Un bigot, Christophe Bigot, Monsieur Afrique. Comme son nom l'indique, n'est-ce pas, les bigoteries, n'est-ce pas, de la France. Mais comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce que la France a à voir dans les partenariats du Mali, en plein 21e siècle? Quelle preuve faut-il encore pour que les faux démocrates africains arrêtent leur criminalité politique qu'ils sont en train de faire? Passant le temps à faire croire, Oui, en passant le temps à faire croire que le problème de l'Afrique, vraiment, c'est la terrasse, machin et consort. Comme dit, c'est que la France vient faire dans un contrat, dans le projet de l'État malien de diversifier ses partenaires avec Moscou. La France est concernée en quoi? C'est l'impérialisme. Ouais. La France vit du pillage des pays africains, de la criminalité politique en Afrique, c'est-à-dire assassiner les chefs d'État. Tout chef d'État en Afrique qui essaie de faire le travail, la France le tue. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'incapacité des Africains à protéger leur président, n'est-ce pas, amène, n'est-ce pas, une bonne partie de l'élite africaine à aller composer avec Paris pour masquer leur incapacité à mener le combat révolutionnaire. C'est de cela qu'il s'agit, M. Béthoundi. Donc on voit très bien comment la France est en train de persécuter un dirigeant qui a pour seul crime l'amour de son pays. Après, on vient d'insulter le président. Au lieu de soutenir Assimi Goïta, de tirer les leçons et de concentrer tous nos tirs sur l'Occident en général et la France, non, les gens viennent nous divertir. Certains exilés volontaires, n'est-ce pas, des gens qui se sont auto-exilés, n'est-ce pas, qui ont passé le temps à éventrer les femmes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une des rébellions les plus obscurantistes de l'histoire du Cameroun, de l'Afrique, n'est-ce pas, ont intérêt à flatter la France en diffusant le discours que Paris entend, n'est-ce pas, à savoir insulter les présidents, parler d'alternance, parler de troisième mandat, de révision constitutionnelle, et soutenir un bandit comme Doumbouya en Guinée, soutenir ce bandit, ce brigand du grand chemin, soutenir une telle crapulerie, mon cher Etoundi. Voilà la vérité au Mali. La France est l'ennemi de l'Afrique. L'État français. Ouais. L'Afrique ne va pas bouger tant qu'elle n'élimine pas la France de son chemin. Les mots doivent être clairs. Élimination de la France sur notre chemin. Et c'est en cours. La France regrettera toute sa vie durant d'avoir joué avec les Africains. Elle regrettera. Donc, le Mali, ce n'est que le début. C'est que le début. Donc, première leçon, c'est l'actualité de l'impérialisme. Et la confirmation, s'il le fallait encore, du fait que la contradiction fondamentale en Afrique, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme globalisé. C'est les contradictions secondaires. J'allais même dire primaires, de bas niveau, comme les présidents, n'est-ce pas, les classes d'endocolonnats. C'est ces contradictions-là qui divisent, parce bien sûr, c'est sur ces contradictions-là. Entretenu par l'impérialisme, n'est-ce pas. Mais on peut comprendre ça. Mais que des Africains, soi-disant intellectuels, jouent le jeu. C'est ça qui est grave. Que Paris cherche à intervertir les contradictions, les bonnes guerres, diviser pour mieux régner, c'est une vieille tradition des ennemis de l'Afrique. Mais que les enfants d'Afrique, c'est pas une bonne partie, jouent le jeu, reprenant à leur compte les théories pro-impérialistes et fermant les yeux sur la résistance multimillénaire de l'Afrique, n'est-ce pas, mon cher Béthoundi, ce qui est un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Quel continent qui a subi tout ça soit resté debout en entretenant une lignée multimillénaire de résistants, et que les Africains passent le temps à vouloir mettre en valeur la traîtrise, n'est-ce pas? Ça veut tout dire. L'affaire du Mali détruit tous les arguments pro-démocratiques, n'est-ce pas, en Afrique, tous les arguments qui veulent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, faire croire que le premier de l'Afrique sont les dirigeants. Mon cher Béthoundi, c'est de cela qu'il s'agit. Deuxième leçon, c'est l'enjeu russe. L'enjeu russe. Ah oui, l'enjeu russe. Et nous sommes au cœur de cela. Oui. Allez, le stade que nous avons atteint maintenant dans le combat c'est-à-dire la diversification des partenariats géopolitiques, n'est-ce pas, rend la Russie incontournable. Notre partenaire, c'est-à-dire qu'on appelle ça naturel dans ce combat, c'est la Russie. Il n'y a pas de débat. La Chine vient après. C'est la Russie, le partenaire Merci. Stratégique. Parce que dès que les Français, en particulier, et les Occidentaux en général, voient la tête d'un Russe, ils creusent le sol et ils se cachent dedans. Ils fuient. Donc, ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont même pas réfléchi. C'est-à-dire que notre partenaire naturel, c'est la Russie. Et on ne peut qu'être heureux de voir que Assimi Gauthier l'a compris. Il a compris. Tout à fait. Et ça devient inéluctable. Donc, ça, c'est l'enjeu russe. Et ça va tenir pour longtemps, pour un bon bout de temps. Donc, nous nous retrouvons là, n'est-ce pas, une espèce de conteste pré-indépendantiste des années 50-60, où les mouvements de libération nationale, où les mouvements de libération nationale, où les mouvements de libération nationale, fécondés par le mouvement panafricaniste en ce temps-là, parce que les gens l'oublient, fécondés par les différents congrès panafricanistes, n'est-ce pas, jusqu'au 5e, n'est-ce pas, ces mouvements de libération avaient pour partenaire la Russie, la Chine, dans une certaine mesure, et le Cuba. Vous voyez, non? Donc, caractérisé comme l'axe du mal. Oui, par le mal lui-même. C'est-à-dire le mal a appelé l'axe du bien, entre guillemets, axe du mal. Vous voyez, ça aujourd'hui encore, il recommence. C'est-à-dire, les Français qualifient de mercenaires. Le groupe Wagner, mais n'est-ce pas, trouve que les légionnaires sont de bons militaires. Les légionnaires sont des grands défenseurs de la liberté. Donc, on a habitué à ça. Ça, Aboubakar Sidiki, il a aussi dit. Tout à donc, il y a l'enjeu russe. Oui. Notre partenaire naturel, c'est la Russie. La Russie, c'est un pays de confiance. C'est un pays de confiance. Ils ont montré, à travers le cas syrien, qu'ils sont des hommes de parole et que leur camp est choisi, c'est clair. Ils sont du côté de l'alternative anti-impérialiste. Vous pouvez tout dire de la Russie, oui. Elle est du côté-là. Ça nous rassure. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu malien dans la sous-région. L'enjeu malien. Je vous ai dit ça à l'entendre mon propos, je n'ai pas développé. Je vais développer rapidement. L'enjeu malien. Je vous assure, comme la Centrafrique représente cet enjeu-là, l'enjeu de libération, n'est-ce pas, contre l'impérialisme historique pro-occidental en Afrique centrale, le Mali est, n'est-ce pas, le maillon faible, entre guillemets, du système néocolonial occidental en Afrique de l'Ouest. Vous savez que Paris se vante. Paris a toujours cru avoir la même mise sur le Burkina Faso, sur la Côte d'Ivoire, maintenant elle rêve d'avoir la même mise sur la Guinée, n'est-ce pas, sur le Niger, tout ça et consorts. Ça lui donnait l'espoir. Si elle ramenait le Maroc dans la CEDEAO, puisqu'ils ont liquidé la Tunisie, à travers l'alternance, la révolution pro-démocratique, la Tunisie est à terre. Et maintenant, vous voyez comment le président actuel est en train de réviser la Constitution. Tout à fait. Il dit que la Constitution, entre guillemets, pro-printemps arabe, a détruit la Tunisie. Il est en train de la réviser. Et c'est donc un échec. Mais vous avez compris, on a fait ça exprès. Parce qu'il fallait ouvrir le boulevard au Maroc, qui est un comptoir géopolitique occidental en Afrique. Donc vous voyez très bien que... Oh, le Mali vient troubler tout ça. Si le Mali réussit, il va réussir. Si le Mali réussit, le Burkina va suivre. Parce que Kaboré est fatigué de la France. Kaboré est fatigué de la France, le président. Si le Mali réussit... Le Burkina va suivre. Même le Niger va suivre, il n'aura pas le choix. Le Togo va suivre, mon cher Bétoudi. Vous voyez ce qui se prépare? Merci. Vous allez le voir, ça? Merci. Ok, le dernier enjeu maintenant, c'est l'impunité des crimes commis par la France. Et là encore, où sont les démocrates africains qui sont si attachés aux droits de l'homme? Qui crient lorsque, entre guillemets, un dictateur en Afrique tire sur un oiseau? Si un oiseau circule, un dictateur, entre guillemets, tire, le monde entier s'élève. Où sont les démocrates africains? Voilà Paris qui a constitutionnalisé, et bien, tu ne dis jamais vu, l'impunité de ces crimes en Afrique. Même Hitler, avec le cas du Mali. Même Hitler n'était pas arrivé à ce niveau. Il dit Hitler n'était pas arrivé à ce niveau. Donc voilà la preuve. Donc l'État français est même pire que l'État nazi, comme l'État américain. Voilà, vous voyez des accords bien élaborés qui consacrent, c'est le mot que je cherchais, qui consacrent l'impunité sur les crimes commis par la France. Et on donne des leçons aux Africains. Merci. On va. Afrique Média. Le monde, c'est nous.